professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Au-delà de l'image figée de la cité romaine, ensevelie par les cendres et les lapilli en 79 avant notre ère, après l'éruption du Vésuve, quelle a été l'évolution de Pompéi ? Quels sont les premiers vestiges et souvenirs de la ville ? Quel est l'état de nos connaissances aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fausse les interprétations des archéologues et historiens ? Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Techniques et économie de la Méditerranée antique, nous entraîne dans la plaine de Campanie, sur le plateau de Pompéi, dès le 7e siècle avant notre ère. Ce n'est pas la ville mythique faisant dialoguer Eros et Thanatos et qui attire plus de 2 millions de touristes par an, fascinés par ses riches villas, son forum et ses boutiques, cette prospère cité figée en pleine vie par la catastrophe du 1er siècle que l'archéologue fait jaillir devant nous. C'est une autre ville, plus ancienne, et une autre frange de la population à côté des aristocrates et magistrats, une frange moins prestigieuse mais tout aussi essentielle à la vie économique de la cité, qui vont émerger cette semaine dans le cadre de sa série de cours intitulée « Le développement urbain de Pompéi, de la fin du 7e siècle avant notre ère à 79 après Jésus-Christ ». Théophile Gautier, dans sa nouvelle fantastique Aria Marcella, évoque, et je le cite, « la ville ressuscitée ayant secoué un coin de son linceul de cendre avec ses mille détails sous un jour aveuglant. Le Vésuve découpé dans le fond son cône sillonné de stries de lave bleue, rose, violette, mordorée par le soleil. » Voilà pour la carte postale. Mais l'écrivain s'aventure dans cette histoire de fantôme, de morte amoureuse, dans l'inconnaissable. Son héros, Octavien, tout tourné vers le passé, remarque qu'il franchissait des quartiers de Pompéi que les fouilles n'ont pas découverts et qui lui étaient en conséquence complètement inconnus. Faire l'histoire de l'évolution de Pompéi, c'est aussi évoquer les années qui suivent la catastrophe, où la cité devient un chantier de récupération de matériaux, et faire l'histoire des différentes interrogations et approches archéologiques de la redécouverte de la ville romaine à aujourd'hui. Dans sa leçon inaugurale en 2012, Jean-Pierre Brun rappelle, et je le cite, son parcours professionnel atypique passant des collectivités locales au ministère de la Culture puis au CNRS. « Je suis parti du terrain, dit-il, et je ne l'ai jamais quitté. Je contribuerai à faire de l'étude des sites archéologiques une discipline capable de fournir des sources nouvelles à l'histoire des techniques et des économies du monde antique. Je ferai de ce collège une maison commune des archéologues français, européens, méditerranéens. » Les travaux des collègues sont justement cités et commentés toute cette semaine, ainsi que les apports du chantier sur l'artisanat, un chantier d'une quinzaine d'années, avec le centre Jean Bérard et l'école française de Rome sur lequel a travaillé Jean-Pierre Brun. L'archéologie, par la masse de données scientifiquement établies qu'elle apporte, dit-il encore dans sa leçon inaugurale, peut nous aider à tirer quelques leçons d'une meilleure connaissance des systèmes économiques et techniques, ainsi que des conditions de l'effondrement de la civilisation antique, y compris pour nourrir nos interrogations les plus actuelles. Place donc à Pompéi avant Pompéi, à l'histoire de la ville archaïque fortifiée et renouvelée du 7e au 3e siècle avant notre ère. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 11 octobre 2016 pour le cours de Jean-Pierre Brun, le développement urbain de Pompéi. Cette année, j'ai décidé de vous présenter les recherches que nous avons effectuées depuis une quinzaine d'années sur l'économie de la ville de Pompéi. Mais à partir donc des fouilles archéologiques que nous avons menées, principalement avec le centre Jean Bérard du CNRS qui est implanté à Naples. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois qu'il est bon que nous fassions le point sur l'histoire et l'urbanisme de Pompéi, car les recherches récentes ont beaucoup modifié notre perception. En effet, nous croyons tout savoir de Pompéi. N'était-elle pas la ville antique la plus emblématique, le site archéologique qui a été le plus fouillé depuis 1748 ? N'est-il pas le site qui a fait l'objet de plus de publications scientifiques et de vulgarisations ? On en compte plus de 17 000 livres et articles. Autant vous dire que je n'ai pas tout lu. N'est-ce pas son destin tragique qui a inspiré le plus d'expositions, de documentaires, de romans et de films de fiction ? Et pourtant, notre vision est tronquée, notamment sur les origines et le développement de la ville, qui sont restées mal connues, malgré les travaux d'Amedeo Maiori, jusqu'aux recherches qui ont été conduites durant ces 20 dernières années et qui ont été lancées par le surintendant Piero Guzzo, et auxquelles j'ai été associé dans le cadre d'un programme de recherche sur les activités économiques, mais comme vous le verrez, ce programme a débordé de son cadre primitif, comme c'est souvent le cas en archéologie, pour apporter sa contribution à l'histoire même de la ville. Désormais, nous en savons plus sur cette ville, sur son évolution urbanistique, sur son économie, mais nous sommes encore loin d'une vision complète qui demandera encore beaucoup de travail. Il faudra utiliser des méthodes de plus en plus modernes pour étudier ce site qui a été trop fouillé par le passé, avec des méthodes non adaptées aux questions que nous voulons poser aujourd'hui. Avant d'aborder secteur par secteur les activités économiques qui se déroulaient à Pompéi dans une phase prospère de l'Empire romain, je vais aujourd'hui donc résumer nos connaissances sur cette ville emblématique mais qui n'est exceptionnel que par son état de conservation, figé par l'éruption du Vésuve. Pompéi, en effet, illustre ce que pouvait être une ville moyenne de l'Italie péninsulaire. En cela, elle se distingue nettement des grandes villes, et surtout de Rome, dont elle n'est que le lointain reflet. Mais, c'est le plus important pour nous, ces fouilles nous donnent une photographie de la vie des riches et des pauvres habitants, de leurs activités et de leurs comportements. Toutefois, comme nous le verrons par la suite, plusieurs biais faussent notre perception. D'une part, la ville a été frappée par un tremblement de terre très fort, 16 ou 17 années avant l'éruption. Et c'est donc une ville encore partiellement en chantier qui fut ensevelie. Ceci d'autant plus que d'autres tremblements de terre moins importants eurent lieu par la suite. Cela signifie donc une surreprésentation des activités de construction, une structure sociale partiellement déséquilibrée avec beaucoup de maçons, de peintres, de forgerons, et une demande en rapport, c'est-à-dire beaucoup de débits de boissons, des auberges et une prostitution florissante. Deuxièmement, nous connaissons surtout les demeures des riches citoyens, car ce sont les maisons qui ont été les mieux fouillées et étudiées. Il en résulte un déséquilibre difficile à compenser. Où vivaient et comment vivaient les pauvres qui formaient la majorité de la population ? Nous verrons qu'il s'agit souvent d'esclaves habitant chez les maîtres et d'artisans vivant dans leurs boutiques et leurs ateliers. Car il faut garder à l'esprit que l'opulence que l'on voit s'étaler dans les riches demeures est fondée sur l'exploitation organisée et systématique des esclaves et des pauvres qui travaillaient pour les propriétaires fonciers. Troisième biais, l'éruption n'a pas conservé la totalité des vestiges. D'une part, les matières organiques sont mal conservées, à la différence des Herculanum, et d'autre part, les ruines ont été partiellement dégagées un certain temps après l'éruption pour récupérer des objets et surtout des matériaux. Quatrième biais, la fouille a porté surtout sur le centre-ville et l'agglomération intramuros. Nous connaissons mal les faubourgs, mis à part les nécropoles. Or, les faubourgs sont sûrement de grande importance pour la vie économique. Cinquièmement, les dégagements de la ville ont commencé dès le milieu du XVIIIe siècle et ont eu pour but de mettre au jour des œuvres d'art pour les rois de Naples, et donc une grande quantité de données et d'observations furent perdues. Rappelons que le site fut en fait découvert entre 1592 et 1600, permettant à Giulio Capaccio d'identifier la ville. Les fouilles officielles commencèrent en 1748 par le dégagement du croisement de la Via della Fortuna et de la Via del Vesuvio sous la direction d'Alcubierre, assisté de Weber. Les fouilles reprirent en 1555 et la découverte en 1763 d'une stèle érigée par Titus Suidius Clemens identifia formellement Pompéi. Fausto Zevi, dans son article « La storia degli scavi e della documentazione » paru en 1981, a souligné combien l'arrivée de l'ingénieur Francesco La Vega en 1764 avait modifié les pratiques de fouille. Au lieu de dégager au hasard des maisons que l'on recomblait ensuite, comme les Praedia de Giulia Felix, dégagées par Alcubierre, les fouilles précédèrent dès lors de façon systématique et les terres furent évacuées de façon à laisser les ruines à l'air libre, en commençant par la zone de la Porta Ercolano, des théâtres et du forum. Dès lors, le site commença à être visité et progressivement, des zones de plus en plus étendues furent dégagées et commencèrent à se dégrader, ce qui sera un problème récurrent jusqu'à nos jours et qui a entraîné de très nombreuses pertes de données. Commençons donc par résumer l'histoire de la ville et de son évolution urbaine. La zone géographique de Pompéi comprend la vallée du Sarno qui en forme l'axe central. Le territoire de Pompéi est bordé au sud par la chaîne des monts Latari qui descendent abruptement sur le rivage du golfe de Naples et se prolongent jusqu'au bout de la péninsule de Sorrento. Vers le nord, le littoral offre un itinéraire peu accidenté vers Herculanum et Naples en contournant le Vésuve, qui domine toute la région. Le Sarno canalise les trafics avec un arrière-pays fertile et le relie à la grande plaine de Campanie. Le terroir des localités autour du Vésuve et plus généralement de Campanie est très fertile, du fait des cendres volcaniques et de l'abondance des précipitations. De tout temps, cette région a pu nourrir un grand nombre d'hommes et cela explique sa prospérité éclatante à la fin de la République et au début de l'Empire romain. Les populations qui vivaient dans cette région au début du premier millénaire avant notre ère s'appelaient Ozone, Opic et ou Saraste. Le site de Pompéi, sur un plateau de basalte dominant la mer, formé par les coulées de lave de deux cratères, fut fréquenté depuis le néolithique et à l'âge du bronze et à l'âge du fer 2. Il pourrait s'agir d'occupations saisonnières. À vrai dire, on les connaît très mal. Un habitat dont l'extension a été en partie repérée sous la Casa degli Epigrammi Greci, dans cette région que l'on appelle la région 5, montre principalement des niveaux d'occupation, mais difficilement interprétables comme des habitations permanentes. Dans la vallée Finissarne, au contraire, de nombreux vestiges de cabanes sont datés à partir de l'âge du bronze ancien. Les fouilles récentes de l'Angola à Poggio Marino illustrent à la fois les conditions favorables de cette région de la haute vallée du Sarno et expliquent où vivaient les populations avant la fondation de Pompéi. Le cours du fleuve, en divagant, a formé de nombreux îlots de terre. Dans l'état actuel des connaissances, le choix d'une implantation aussi particulière dénote une spécialisation économique des habitants, privilégiant le commerce et la pêche sur l'agriculture. Il en découle une composition de la société relativement complexe, reflétant une organisation du travail particulière rendue nécessaire par la nature de l'implantation de l'habitat, puis par l'entretien des systèmes d'écoulement des eaux, et qui s'est poursuivi durant toute la vie de l'agglomération jusqu'à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Les diverticules naturels du cours du Sarno formaient donc des îlots dont les limites ont été régularisées pour servir de fondation à des cabanes occupées durant près de 8 siècles. L'enfouissement du site, recouvert par des limons, a créé un environnement anaérobie dans lequel le bois est conservé, autorisant d'une part des datations dendrochronologiques entre le Xe siècle et le VIIe siècle avant Jésus-Christ, et d'autre part un aperçu des activités, puisqu'on peut détecter ainsi le travail de l'os, du bois, de la pâte de verre et du métal, mais aussi la culture de la vigne et la production du vin. Les déplacements se faisaient en barque, deux pirogues monoxyles ont été trouvées. Les relations commerciales devinrent courantes avec les Grecs installés à Pithecus sur l'île d'Ischia à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Poggio Marino précède donc Pompéi, dont la fondation, en l'état actuel de nos connaissances, n'est pas antérieure à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Au cours des générations suivantes, on entreprit la construction d'un rempart, d'un temple dorique et du sanctuaire d'Apollon. Une muraille, construite un peu plus tard, peut être suivie sur environ 3 km autour de la ville, clôturant une superficie de 66 hectares. Certains collègues, tels que Paul Archer en 1986, ont pensé que l'agglomération archaïque ne remplissait pas les critères définissant une ville du fait de sa trop faible densité d'habitat et de l'absence de preuves quant à son autonomie. Il voyait plutôt un lieu de marché périodique où des négociants de diverses origines pouvaient échanger leurs marchandises sous la protection des divinités telles qu'Apollon, Athéna et Hercule. Mais les fonctions de défense, dont témoigne la première muraille défensive, et les pratiques de culte exigent une organisation sociale permanente et témoignent donc que Pompéi est une véritable ville, au moins vers la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Son développement urbanistique a fait l'objet de nombreuses études. La théorie longtemps en vigueur, remontant à Hartfield en 1913, un ouvrage qui s'appelle « Ancient Town Planning », puis développé par des savants allemands comme Noack, Lehmann Hartleben, von Gierkan, dans un ouvrage assez connu qui s'appelle « Der Stadtland von Pompeii », paru en 1940, et enfin, Eisbach, en 1970, voulait que, à Pompéi, un village se soit formé au 7e siècle, centré autour du sanctuaire d'Apollon, avec de fortes caractéristiques étrusques. Ce village, que les savants allemands appellent Hallstatt, se serait développé en deux temps, une urbs quadrata au 7e siècle et une Hallstatt au 6e siècle, qui aurait eu une annexe, le temple d'Athéna, sur le forum triangulaire. Puis, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'enceinte aurait été étendue à tout le plateau, créant de nouveaux quartiers, la Neustadt. Ces théories ont été mises à mal par l'avancement de la documentation archéologique, et déjà en 1992, Stefano De Caro, dans un article qui s'appelle « Lo sviluppo urbanistico di Pompei », proposer une lecture beaucoup plus nuancée qui a été précisé depuis. Le toponyme de Pompéi, qu'on expliquait dans l'Antiquité par la Pompée, mythiquement effectuée par Hercule, fondateur de la cité, après son triomphe sur Gérion, si l'on suit une glosse de Servius sur l'Énéide en 7-662, pourrait en fait remonter à une racine italique qui signifie 5 comme les doigts d'une main, faisant ainsi allusion à un synecisme réalisé par des groupes indigènes jusqu'alors séparés. C'est-à-dire un regroupement de 5 villages qui pourraient avoir maintenu des localisations topographiques différentes sur le plateau au cours du VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais c'est une spéculation, car nous connaissons trop mal l'agglomération archaïque qui semble être en fait assez dense sur les abords du Forum et sous la future région 6 et plus éparse ailleurs. Mais cette impression est peut-être due à l'intensité des recherches stratigraphiques concentrées dans la région 6. Quoi qu'il en soit, l'état de nos connaissances autorise une scansion de l'histoire de la ville en 9 phases que nous allons examiner. La première est la phase archaïque, qui comprend le VIe siècle et la première moitié du Ve siècle. Puis, nous verrons une phase classique au Ve siècle, une phase classique samnite à la fin du Ve et au 4, de la fin du Ve à la fin du IVe siècle, puis une phase hellénistique samnique au IIIe siècle qui est très importante. Ensuite, nous aurons une phase samnite finale qui s'étend du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la guerre sociale, qui marque aussi une grande rupture en 89 avant Jésus-Christ, rupture à laquelle succède la phase de la colonie romaine jusqu'à l'époque d'Auguste. Une 7e phase de l'histoire est la phase impériale qui s'étend de l'époque d'Auguste jusqu'au tremblement de terre de 62 ou 63. Puis nous verrons les dernières années de Pompéi, entre 63 et 79. Et enfin, une 9e phase qui voit la transformation du site en chantier de récupération des matériaux à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Commençons donc par la phase archaïque, fin du 7e, 6e siècle. Les plus anciens témoins d'occupation de l'agglomération remontent à la fin du 7e siècle, et c'est à partir du milieu du VIe siècle que l'on trouve un peu partout sur le plateau des vestiges d'habitat. Il s'agit de murs de soutènement de maisons construits en gros blocs de tuf, agglomérant des cendres et des sables volcaniques que l'on appelle localement le Papamonte. Sur ces bases de pierre, les élévations des maisons devaient être en pisée. Ces murs sont associés à des sols de terre qui livrent de la céramique modelée, du bucchiero nero étrusque et des céramiques grecques, notamment corinthiennes et attiques. Certaines habitations remonteraient à la fin du 7e siècle, notamment une hutte associée à un sol pavé sous le trottoir de la future Casa dei Postumi dans la région 8-4-24. D'autres maisons, dont les murs ont des bases en papamonte et des élévations en pisé enduit, dateraient de la première moitié du VIe siècle, notamment celles fouillées sous la Casa del Centauro et sous celle de la taverne 6-10-4 que vous voyez sur la diapositive. Ailleurs, comme sous la Casa Bacco, donc pour ceux qui connaissent Pompéi, en face de la cafétéria, seules des fosses remplies de fragments de vases ont été mis au jour. Leur contenu, des fragments de vases en bucchiero nero régional, des fragments d'un cratère attique, d'amphores de Corinthe, d'amphores de Pithecus, également d'amphores étrusques et marseillaises, témoignent de l'ampleur des relations commerciales à cette époque, mais c'est au demeurant banal dans le contexte des autres ports de la campagne. De par sa position dominant la baie à l'embouchure du Sarno, Pompéi contrôlait en effet les transferts des marchandises des barques fluviales dans des bateaux hauturiers. C'était un emporion où se rencontraient et commerçaient des marchands locaux, étrusques ou grecs. Le larère du Sarno qui montre des mulets tirant une barque sur le fleuve est l'illustration de cette fonction et permet de souligner au passage l'importance du halage le long des fleuves côtiers permettant les échanges dans les deux sens et aux marchandises importées d'atteindre l'arrière-pays. La situation excentrée du temple dorique est typique des comptoirs commerciaux des emporias en tant que zone franche ouverte à la présence d'étrangers et placée sous la protection d'une divinité universellement reconnue comme garante, comme c'est le cas à Almina et à Naucratis dans le bassin oriental de la Méditerranée et à Latara près de Montpellier dans le bassin occidental. La découverte de graffitis en langue étrusque sur des vases en bouquet nero déposé dans le sanctuaire d'Apollon au cours du VIe siècle, assure la présence des Étrusques à Pompéi au même titre que d'autres individus de cultures différentes. Ce melting pot est caractéristique des ports situés à la tête des routes commerciales les plus fréquentées menant dans l'arrière-pays. Les constructions publiques ont bénéficié du savoir-faire des Grecs et des Étrusques implantés à Capoue. Le temple d'Apollon et le temple de la colonne étrusque sont d'influence étrusque dans leur architecture. Mais la décoration en terre cuite a été fabriquée dans une cité grecque qu'on pense être Cume. Le sanctuaire de la colonne étrusque, dans la région 6, 5, 17, pourrait faire partie d'un bois sacré lié au culte de Jupiter qui serait ceinturé par un mur en papamonté. En revanche, le temple dorique du forum triangulaire est typiquement grec. Un premier temple, probablement en bois, fut édifié vers le milieu du VIe siècle, puis reconstruit en pierre vers 530-520, selon la publication de Dewell et ses collaborateurs en 2000. Ce sont donc un architecte et des tailleurs de pierre grecs qui ont réalisé le monument, très proche de ceux de Poséidonien, plus connu sous le nom de Pestum. Mais évidemment, ce temple a dû être commandé par la communauté indigène. Il aurait été dédié à Héraclès et à Athéna dès cette époque, mais on n'a en réalité de certitude que pour le IVe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque remonte aussi l'implantation des deux axes orthogonaux au croisement desquels se trouvera la place rectangulaire du forum, qui, à cette époque, limitée à l'ouest par l'enceinte du temple d'Apollon, comme nous l'avons vu, d'influence étrusque. Il est probable que le centre de l'agglomération se trouvait dès lors à cet emplacement. Quelques voies qui structureront l'urbanisme postérieur sont déjà en place, au moins dans la région 6. C'est le cas notamment de la Via di Mercurio, de ce qu'on appelle la Via Consolare, mais qui s'appelait la Via Sarinu, c'est-à-dire la Via vers les Salines, le Vicolo del Fauno, selon le témoignage des sondages effectués sous la direction de Filippo Corelli et de Fabrizio Pesante. D'une façon plus générale, l'orientation relativement constante des structures archaïques, parallèles aux rues postérieures, montre que la grille urbaine, avec la plupart des rues principales, était déjà en place à cette époque. Ce réseau viaire sera le cadre dans lequel se développera Pompéi à partir du début du IIIe siècle. Toute la question est de savoir si la vieille ville, la Hallstatt, existait déjà ou si elle était circonscrite par des remparts, ou si cette dernière est une contraction postérieure de l'espace urbain. À vrai dire, nous n'avons pas de données déterminantes sur ce point. Tout ce que l'on peut dire est que les vestiges d'habitation du VIe siècle et du début du Ve siècle débordent largement la Hallstatt et que la ville semble s'étendre avec un tissu urbain peut-être assez lâche sur tout le plateau, où l'on trouve aussi d'autres sanctuaires. Nous l'avons vu dans le cas de celui de la colonne étrusque, mais c'est également le cas du sanctuaire dit du Quadrivio di Orfeo, dont subsiste une colonne de travertin dorique. C'est là qu'intervient le débat sur la datation de l'enceinte archaïque en Papamonte. Le plateau fut entouré par une enceinte faite avec ce matériau qui court sous les remparts postérieurs et qui est visible près de la porte à Vesuvio, près de la tour Neuf et entre la porte à Nocera et l'amphithéâtre. Sa datation fait problème. Un sondage de Stefano De Caro à la porte à Nocera, publié en 1985, qui s'appelle, dans un article qui s'appelle « Nuove indagini sulla fortificazione di Pompei », reste le fondement de nos connaissances. Dans le sondage 1, la stratigraphie était bien conservée. Sur les couches géologiques d'éruptions et de colluvions volcaniques, Stefano De Caro a trouvé un sol damé numéro 9 qui est au niveau du mur en Papamonte et qui contenait une lentille de cendre avec des tessons de vase corinthien moyen, attique, bucheronero campanien, ainsi que d'amphores et de céramique modelée. Stefano De Caro a hésité sur son interprétation. Cette couche était-elle contemporaine de la construction du mur en Papamonte ou de son usage ? Le fait qu'un matériel à peu près identique ait été trouvé dans la couche d'écroulement du mur lui a fait penser qu'il s'agissait plutôt d'un niveau d'occupation. Mais l'alternative est soit la fosse est contemporaine de la construction du mur car recouverte par le sol neuf et dans ce cas-là, le mur est au plus tôt datable de la fin du VIe siècle, soit la fosse a été formée durant l'utilisation du mur et tout ce que l'on peut dire, c'est que le mur existait déjà à la fin du VIe, au début du Ve siècle, et que le matériel est en partie résiduel, mais on ne peut dire quand le mur a été bâti. Comme le mur en Papamonte est la première structure bâtie dans cette zone, Stefano De Caro a estimé que les tessons les plus anciens étaient significatifs de la construction du mur, mais cela ne tient compte ni de la durée d'usage des vases, ni de la possible résidualité de certains d'entre eux. Or, les chercheurs qui ont commenté l'évolution des remparts ont tenu pour acquis la phrase de conclusion de Stefano De Caro, page 105. « Per la cronologia assoluta di questa struttura, si può ora proporre sulla base dei materiali archeologici del saggio 1 la prima metà del primo secolo avanti Cristo per la sua costruzione e la fine del secolo o i primi decenni del successivo per la sua distruzione. Et donc, une construction avant la première moitié du VIe siècle et une destruction vers la fin du VIe. Personne n'est revenu aux données de base et aux interrogations initiales de l'auteur, pourtant d'une honnêteté scrupuleuse. La fouille a été reprise en 2009-2010 par Valentino Gasparini et José Urosaez qui ont confirmé les observations de Stefano De Caro, montrant aussi que la courtine en Papamonte est édifiée sur un niveau qui contient déjà du bucheronero campanien, donc datable au cours ou après la seconde moitié du VIe siècle. Mon sentiment, fondé sur le fait que lors des fouilles de l'îlot 1-5, j'ai trouvé un tronçon du même rempart qui ne peut être antérieur aux dernières décennies du VIe siècle, et que la courtine en Papamonte doit être datée de la fin de l'archaïsme et que sa durée d'utilisation fut relativement brève. Si j'ai raison sur ce point, la ville archaïque n'aurait eu un rempart étendu qu'assez tard, ce qui pose la double question de la datation des habitations de la région 6, qui elles aussi pourraient dater pour la plupart de la fin de l'archaïsme, et de l'existence d'un premier rempart autour de la zone du Forum dès le haut archaïsme, suivant la vieille théorie de l'Hallstatt formulée par von Gerkan. L'imprécision des datations et le manque de publication du matériel associé aux structures en Papamonte empêchent de répondre à ces deux interrogations et nous allons voir qu'une solution alternative existe pour expliquer l'existence d'une enceinte réduite. Le Collège de France et France Culture vous présentent l'archéologue Jean-Pierre Brun, le développement urbain de Pompéi de la fin du 7e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Venons-en maintenant à la deuxième phase qui couvre le 5e siècle. Quelle que soit la datation du rempart en Papamonte, il a été remplacé relativement vite par un autre rempart, autrement mieux construit que ce simple mur de 4 ou 5 assises de blocs, par ce que l'on appelle le rempart à orthostate. Ce rempart est formé d'une double cortine, un opus quadratum de tuf calcaire extrait sur les bords du Sarno, dont la surface est étendue de mortier de chaux. Il a été repéré en de nombreux endroits, à la Porta Ercolano, à la Porta Vesuvio, à la Corre di Mercurio, à la Porta Stabia et à la Porta Moschera. Sa datation est comprise entre la fin du VIe et la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Selon Stefano De Caro, ce rempart daterait de la première moitié du Ve à cause de la mise hors d'usage du mur en Papamonte, qu'il date donc du début du Ve siècle. Le sol de la voie correspondant au rempart à orthostate, dans le fameux sondage 1, c'est la couche 3, serait daté du début du Ve siècle par un tesson de céramique attique. Toutefois, un seul tesson ne fait pas une datation, d'autant plus qu'il ne s'agit que d'un terminus postquem. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le rempart est postérieur au début du Ve siècle. L'hypothèse actuelle est qu'il fut construit au cours de ce siècle et ce serait ce rempart qui aurait été en fonction au moment de l'attaque des Samnites dans le troisième quart du Ve siècle. Je pense donc que les habitations datées du VIe siècle sont encore occupées dans la première moitié du Ve, mais on manque de certitude, mis à part peut-être pour l'habitation fouillée dans la région 9 et sous la 7, numéro 26, où un mur en opus africanum avec un enduit jaune pourrait dater de cette période. Comme on le voit, pour ces phases anciennes, on est encore largement dans le flou. Une troisième phase commence avec l'arrivée des Samnites. Dans le troisième quart du Ve siècle, Pompéi a été affectée par l'avancée des Samnites, un peuple des montagnes qui a conquis la plaine de la Campanie, prenant Capoue en 423 avant Jésus-Christ, et Cume, jusqu'alors occupée par les Grecs, en 421. Strabon dit clairement que les Samnites ont occupé Pompéi, au livre 5, paragraphe 4, alinéa 8, sans qu'il en précise la date. L'agglomération de cette époque est très mal connue. Nous savons par l'existence de tombes que la ville est occupée durant tout le IVe siècle. Giuseppe Fiorelli avait découvert des tombes samnites à la Porta Ercolano en 1873 et trois nouvelles tombes ont été fouillées cette année même par Laetitia Cavassa et Bastien Lemaire. L'une date du tout début du IVe siècle, contenant notamment des vases italiotes à figure rouge et à décor surpeint. L'autre a livré des vases à vernis noir attribuables au milieu du IVe siècle. Dans le Fondo Azzolino, entre Porta Stabia et Porta Nocera, Les fouilles de 1911 ont aussi mis au jour des tombes des 4e et 3e siècles, dont une tombe à Chambre. Nous connaissons aussi de nombreux tessons de cette époque et nous avons fouillé, Martine de Guillot et moi-même, plusieurs carrières de basalte dans l'îlot 5, dont une est exploitée à cette époque. Il me paraît probable que le futur emplacement du théâtre était à cette époque une carrière qui a pu être encore exploitée au 3e siècle et dont les fronts auraient été régularisés par la suite pour ménager la caverne. Malgré ces indices, on peine à découvrir les habitations de la fin du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ. La théorie actuelle, soutenue notamment par Filippo Coarelli et Fabrizio Pesando, est qu'au début de la domination samnite, Pompéi se réduirait à une zone peu étendue autour du forum, limitée par une muraille restreinte qui partirait du forum triangulaire, suivrait le Vicolo del Lupanare, la Via degli Augustali et le Vicolo dei Soprastanti pour aboutir à la falaise occidentale, et délimitant donc une ville fort restreinte. Un fossé large de 2,50 m et profond de 2,20 m, orienté est-ouest, a été trouvé sur le trottoir nord de la Via des Augustali lors de la pose du câble électrique en 1981 et a été publié donc par Paul Archer en 1986. Ce fossé a été comblé avec du matériel du IVe siècle au moment de la transformation de la ville. Un peu plus à l'est, une entaille dans le plateau basaltique, sous le trottoir des boutiques bordant au nord la Via degli Augustali, a été mise au jour par les fouilles d'Albert Ribera et serait la continuité de ce fossé en avant de la fortification. Celle-ci se situerait donc sous la rue qui en aurait conservé le tracé au moins en partie. Une autre portion du fossé aurait été retrouvée dans la partie est de la ville, dans les termes de Stabi. Dans leur article, Digman et Pearson, les deux auteurs, l'article s'appelle « Progetto Casa Postumi, un complexe architectonico à Pompéi », paru en 2005. Et dans leur article, donc, Digman et Pearson indiquent que dans le péristyle de la Casa dei Postumi, des restes d'un mur d'une épaisseur de 2,60 m, mêlant des blocs de papamonte, du calcaire du Sarno et de la Crouma, qui est une lave tendre rouge. Donc ces vestiges ont été interprétés comme ceux d'un rempart, qui serait donc le rempart de l'Ajtat de la fin du 5e siècle. Un fossé aurait aussi été détecté par des professions géophysiques dans la cour des thermes de Stabi. Il paraît courir à 6 mètres en avant de la muraille, mais cette image pourrait en fait correspondre à l'égout des thermes eux-mêmes et donc n'aurait rien à voir avec cette éventuelle fortification. La théorie de l'Ajtat, donc de Noack, Lehmann Arslebeen et von Gerkan, serait donc modifié pour en faire une enceinte réduite sur le modèle de ce qu'on connaît à la fin de l'Antiquité et au Haut Moyen-Âge. Cette ville couvrirait la région 7 et une partie de la région 8. Elle est caractérisée par des rues est-ouest qui s'embranchent avec des orientations inférieures à 90 degrés. Vous voyez avec cette orientation qui n'est pas orthonormée. Et elle comprendrait près du forum des modestes maisons dont certaines ont été découvertes, des vestiges ont été découverts sous la casa delle nozze di Ercole et sous la casa di Giuseppe II. La ville serait restée donc très petite jusqu'à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ et on ne connaît quasiment rien des habitations et des monuments de cette époque au point que l'urbanisme reste fantomatique et qu'on peut même douter de la réalité de l'existence de l'Ajtat, d'un rempart et de fossés, qui n'ont jamais été mis en évidence avec certitude. Certains vestiges pourraient entrer dans ce schéma, mais d'autres interprétations seraient possibles. C'est une question qui doit être encore creusée. Il faut en effet signaler que sous la maison des Vestales, dans la région 6, c'est-à-dire au nord de la supposée Hallstatt, un mur et des sols sont datés de la seconde moitié du IVe siècle, ce qui pourrait indiquer qu'il y avait des maisons en dehors de la supposée Hallstatt et à l'intérieur des remparts anciens à Ortostadt, qui, même s'ils n'étaient pas entretenus, devaient continuer à marquer une limite forte, au point que les nécropoles sont au-delà de cette limite. En un mot, cette question est loin d'être résolue et demandera encore des efforts de la part des chercheurs. De toute façon, les Pompéiens sont bien présents. Outre leur tombe, nous savons qu'au cours de la deuxième guerre samnite, entre 324 et 303, les habitants des alentours de Pompéi s'opposèrent aux Romains. En 310, alors que le consul Caius Marcius Rutilius ravageait la campagne interne, prenant Allifae aux Samnites, des troupes romaines, commandées par Publius Cornelius, qui avait reçu le commandement des navires opérant en Campanie, ces troupes débarquèrent devant Pompéi. Elles y laissèrent leurs bateaux pour ravager la vallée du Salno jusqu'à Nuceria, aujourd'hui Nocera. Alors que les soldats romains revenaient vers les bateaux alourdis du butin des pillages, les agriculteurs de la plaine du Sarno tombèrent sur leurs arrières, en tuant un grand nombre et poussant les autres à se rembarquer précipitamment. On a remarqué que ce sont des paysans qui mènent l'opération et non une armée civique. On en a conclu, peut-être abusivement, que Pompéi était alors réduit aux dimensions d'un village qui pourrait correspondre à cette enceinte réduite que nous voyons. Le fait de guerre rapporté par Tite Live, au livre 9, paragraphe 38, en 3-2, indique que les Samnites de Pompéi et de la vallée du Sarno s'opposaient donc aux Romains et n'étaient pas encore rentrés dans l'alliance, dans leur alliance, à la différence de leurs congénères de Cume, qui, dès 338, s'étaient alliés aux Romains, recevant d'eux la Civitas sine suffragio. Les changements considérables que l'on va voir en œuvre une dizaine d'années après, à la fin de la guerre samnite, pourraient donc manifester un renouveau lié à l'entrée des Pompéiens dans l'alliance romaine. Il est possible que l'attaque subie en 310 ait montré que les défenses de la ville, qui devaient être en réalité encore le rempart orthostate, était trop faible, ce qui expliquerait que les magistrats dirigeant la cité aient décidé de les reconstruire avec des techniques plus adaptées aux conditions de la guerre de cette époque. Les murs de Nuceria sont eux aussi rebâtis à ce moment-là. Mais il est probable que cette refondation de la ville a demandé un apport nouveau de population, probable conséquence des restructurations qui ont suivi la guerre samnite. Et nous entrons donc dans la quatrième phase qui est tout à fait déterminante pour l'histoire de Pompéi et qui commence au début du IIIe siècle. Pompéi donc connaît un bouleversement considérable. À nouveau, la ville s'étend sur tout le plateau basaltique et on construit une nouvelle enceinte à peu près sur l'emplacement du rempart caïque en Papamonte et du rempart à Orthostate. À vrai dire, la datation de cette remarquable extension est imprécise, elle aussi. Elle n'est pas fondée sur des sources écrites, mais sur l'interprétation de quelques sondages sur les remparts. Dans le sondage 1 de la Porta Nocera, toujours dû à Stefano De Caro, et dans le sondage effectué par Gasparini et Rossès, la stratigraphie montre que la destruction du rempart orthostate est suivi de la construction de la muraille samnite, composée d'une courtine servant de soutènement à un aguer, c'est-à-dire à un talus de terre. La grande profondeur des fondations alors réalisées implique une élévation importante. La largeur totale du nouveau rempart est de l'ordre de 12 mètres et la pente de l'aguer de 45 degrés. La fouille des deux tranchées de fondation a livré à peine un fragment de coupe à vernis noir et un fragment d'amphore gréco-italique qui semble donner un terminus de construction vers la fin du IVe siècle. La construction est donc forcément postérieure, probablement au début du IIIe siècle. Les portes de la ville ont été le plus souvent ultérieurement reconstruites, mais la porte d'Istabia conserve pour l'essentiel, mis à part la voûte qui est plus tardive, son aspect originel. Une inscription osque indique que la route qui en sortait se dirigeait vers Stabie, passait le Sarne sur un pont et flanquait un sanctuaire à Zeus Meilikios, probablement situé dans le fond de Yodzine. Après la construction des nouveaux remparts, l'urbanisation s'étend au-delà des limites de la supposée Hallstatt en plusieurs étapes qui seraient marquées par des plans de lotissement différents selon la topographie. Comment s'est faite l'extension à l'intérieur des nouveaux remparts? Les recherches de Gertmann et de son équipe, en particulier de Astrid Schoenhoven, dans son livre « Methodology and Meaning in Pompeii, The Urban Arrangement of the Regio VI », paru en 2006, partent de l'hypothèse que l'expansion urbaine a été décidée par les autorités locales en plusieurs plans de régulation. Le nouveau plan d'urbanisme est fondé sur l'axe nord-sud qui joint la Porta Stabia au sud à la Porta Vesuvio au nord. Cette rue prolonge la Via Pompeiana qui portait ce nom à l'extérieur de la ville au moins jusqu'à la Porta Stabia. Son parcours est divisé en trois tronçons à peu près égaux par des croisements non orthogonaux qui doivent donc refléter des parcours antérieurs, avec donc deux voies qui sont orientées est-ouest, la Via della Fortuna, Via d'Inola, et la Via dell'Abbondanza au sud. Les portes qui sont au bout des rues ne sont généralement pas dans l'axe des rues, ce qui indique que les voies préexistaient à la muraille. Gertmann restitue trois systèmes de division qui se seraient succédés. Dans une première phase, on aurait loti la région 6, axée sur la Via di Mercurio, et sur le forum, suivi de quatre insulées irrégulières le long de la Via di Stabia. Dans une deuxième phase, on aurait créé une double série d'insulées de part et d'autre de la Via di Stabia. Et enfin, dans une troisième phase, l'urbanisation aurait gagné la partie est, c'est-à-dire les îlots réguliers des régions 1, 2 et 9, connectés à des îlots rectangulaires à l'est et qui auraient tous été destinés à un lotissement complet. Ce n'est que plus tard que certains îlots auraient été rasés pour faire la place pour des édifices publics tels que la Grande Palestre. Le cas de l'amphithéâtre, construit dans les années 70 avant Jésus-Christ, est plus incertain. Il semble occuper l'emplacement d'une ancienne carrière, mais celle-ci a pu détruire des habitations ultérieures. La conception et la mise en place de ce plan d'urbanisme, avec des groupes d'îlots réguliers mais différents selon les zones, furent réalisées en refondant la ville et en lui donnant son cadre définitif. Il n'est d'ailleurs pas assuré que les trois systèmes urbanistiques se soient réellement succédés dans le temps. Il s'agit peut-être d'une seule phase dont les irrégularités viendraient du respect d'une voirie antérieure et d'accidents topographiques dont la voie d'Istabia qui forme comme un ravin entre les deux côtés du plateau. Von Gerkan a en effet considéré que la Neustadt était un seul projet d'ensemble et les distorsions seraient dues en fait à la forme du terrain et aux contraintes héritées du passé. Les remparts du 5e siècle furent démantelés en partie après la construction de la nouvelle enceinte et les blocs furent remployés dans la façade d'un certain nombre de maisons qui furent reconstruites par la suite. Quelques-unes de ces façades ont subsisté jusqu'à l'éruption du Vésuve. C'est le cas de la Casa dei Scienziati dans la région 6, insula 14, et de la Casa di Apollo. La première, la Casa dei Scienziati, qui comprendrait déjà un atrium avec un impluvium, a été daté sur des critères stratigraphiques de la fin du IVe siècle par Nathalie de Haan et ses collaborateurs dans un article paru en 2005 dans Nuove Ricerche Archeologiche a Pompei e ad Ercolano, dans la collection publiée par Electa pour le compte de la surintendance archéologique. Mais je remarque que cette datation est fondée sur quelques rares tessons de céramique à vernis noir trouvés en Ramblais, qui indiquent une construction postérieure au IVe siècle, mais on ne peut dire de combien de temps après, car la fouille n'a pas mis au jour de niveau d'occupation contemporain de la maison. Quant à la Casa di Apollo, à la région 6 insula 7, elle serait datable après le début du IIIe siècle, et je remercie Madame Sandra Zanel pour cette précision encore inédite. Collège de France, vous venez d'écouter Jean-Pierre Brun, le 11 octobre 2016, le développement urbain de Pompéi de la fin du 7e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. L'archéologue a publié avec Xavier Fernandez « Parfums antiques, de l'archéologie au chimiste » chez Silvana à Milan. Et avec Martine Le Guillou, les installations artisanales romaines de Sapinum, tannerie et moulin hydraulique. CNRS, collection du Centre Jean Bérard, numéro 43, en 2014. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Demain, nous poursuivrons l'histoire de l'évolution urbaine de Pompéi en compagnie de l'archéologue Jean-Pierre Brun. Et tout de suite, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.